quand le matin reprendra la couleur de tes yeux, de ton cœur où j'avais mis des fleurs. Je reviendrai chez toi par le chemin du roi, par le chemin du roi. Quand le soleil fera mille soleils pour réchauffer la terre où nous étions couchés, je reviendrai chez toi par le chemin du roi, par le chemin du roi. Encore une fois, pour toutes les autres, et je retrouve le chemin de ma joie.